Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Salut Antoine. Jean-Philippe Durand. Salut Fred. Salut Antoine. Salut. Salut. Et Mathieu Bouillon. Salut tout le monde. Salut! Salut! Hey, c'est fou, hein? On a fait ça pour rire au premier podcast, de se dire salut comme ça, là. Ouais. Puis on le fait tout le temps. On le dit toujours environ de la même manière. Oui, oui, mais j'essaie. J'essaie sauf Mathieu qui jazz. Moi, je jazz, oui, c'est toujours c'est, le concept. Mais c'est de la même manière du fait qu'il jazz. Vu qu'il jazz, oui. Ouais. J'ai la pression du drôle de salut. Mais on n'est pas obligé d'expliquer ça parce que nos podophiles savent ça. Oui. Ben, ça dépend, il y a peut-être de nouveaux podophiles, des nouveaux gens qui nous écoutent. De nouveaux gens? Des nouvelles gens? Peu importe. Des nouvelles chances. Des nouvelles amours. Non, mais tu sais, là, au pluriel, là. Bon, OK. Oui, alors, ben oui, c'est dans ce cas-là, pas de problème. Ah ben, vous nous soumettez des problèmes, soit via notre page Facebook ou encore à notre adresse Internet, par courriel. Et vous pouvez être original, hein, une vidéo, un extrait sonore, tout ça est bienvenu. Mm-hmm. Et ensuite, nous tentons, les quatre compères ici, parfois... Oui. Parfois des invités, oui. De cerner le problème et de trouver des solutions. Ben oui. Puis ça vaut peut-être la peine de l'enregistrer des fois, parce que à la lecture, des fois, on peut donner un angle déjà au début à l'affaire. Mm-hmm. Puis des fois, on bloque des mauvaises intentions quand on est de mauvaise foi, tu sais. Oui. Ouais. Mais. Il me regarde. Ah, clairement. Non, plus des problèmes non plus. Non. Mais non, mais. Je regarde parce que je parle à la personne à côté de moi, c'est pas bien que ça marche. La vie. Mais quelque chose qui pourrait être drôle, c'est que les gens pourraient nous envoyer. Tu me pointais. Les gens pourraient nous envoyer une solution générique, puis nous, il faudrait qu'on trouve un problème que cette solution-là aurait. Ah, Géopardi. Ah, oui. Je veux dire, problème pod. Problème pod. Exact. Ou Emerald Blood Up. Oui, qu'as-tu fait de même? Non, je me suis trompé, je pense. Hein? Je sais pas. Ça a eu l'air bon. Mais j'ai vu une fille sur YouTube qui, tu lui donnais un mot, puis elle le dit à l'envers tout de suite. Sur ouais? Ouais. Ah, c'est cool. Pour moi, c'est pratiqué. C'est clair. Sur Rebutoy. Okay. YouTube à l'envers. Non, non, OK. Alors, c'est ça. On en a un problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner qu'on est l'un des seuls podcasts québécois pas édité. Mm. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, vous l'entendez. Oh, mon Dieu! Oh. Oui, oui. C'est fou. On a essayé de l'éditer une fois, puis on n'a pas entendu Mathieu du podcast. Donc, non, c'est vrai. Tu parles de la fois du scandale des mouchoirs. J'ai soulevé un tollé, c'est le oui, problème. Oui. On entend tout, hein. Se racler la gorge, se moucher, tout est là. Ah, ouais, uriner. Tout le monde. Bon. Le problème cette semaine, les chandails en plastique de Mathieu. Oui. OK, on a un problème ici qui vient de Michael Tremblay, qui nous dit « Salut la gang de Pas de problème ». Salut la gang de podcasters, pardon, j'ai un problème. Mon chum n'arrête pas de ronfler et quand je lui dis il ne fait rien, que faire? Les bouchons ne fonctionnent pas, c'est déjà testé. Merci et d'ici là, j'espère avoir une nuit de sommeil complète. Mick! T'as-tu sauté le petit bout où il dit « Je tiens à dire que Jean-Philippe, tu es de loin mon préféré. Bon, maintenant que j'ai fait le têteux de prof, le voici, mon problème. » Ah, ouais, merci, Mickaël, en passant, ben, ouais, ça, gênez-vous pas, on veut savoir lequel... des podcasteux vous préférez. Oui. On a déjà reçu des sous-vêtements pour Antoine, je pense. On a reçu des sous-vêtements, oui, pour moi, sales, d'hommes. Souillés. Clairement, un marin, là, qui est parti... Des grandes bobettes de marin. Très apprécié. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Fred, mes bobettes ont beaucoup voyagé. Fred se fait un devoir de coucher avec un ou une podophile à chaque mois. Hein? Oui. Exact. Sans que ça bloque le stage. Il y a du retard. Ah non, mais... OK, on continue. Pour ceux qui s'attendent, c'est aux Dames Tartines. Oui. Les toilettes du Dame c'est Tartine. C'est là que ça se passe. Oh, c'est dégueulasse. C'est là qu'ils tartinent les dames. Pas édité, mesdames et messieurs. Pas édité. Oui, voilà. Non, Edith n'a pas voulu être là. C'est ça, on aurait coupé. Ronflement. Bon. Quand ça a été inventé, le ronflement, toi? Ça fait très longtemps. Tu veux probablement parler C'est quoi la racine du mot? Roncopathie. Oh! Oh! Roncopathie avec tout le monde qui a ce problème-là. Et c'est intéressant pour les Chinois. Oui. Vous savez que j'apprécie beaucoup les Chinois. Oui. Ronfler, c'est un signe de bonne santé. Ah oui? Ah, dans vos gueules, hein? Ceci dit, évidemment, lors de l'inspiration, pendant le sommeil, les tissus mous du palais et l'aluette vibrent. Et on entend un ronflement de 45 à 60 décibels, c'est un petit ronflement, mais ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à 95 décibels. Non, Mathieu, tu te mouches pas. Ça peut ressembler à ça, c'est le passage d'un camion. OK, quand même, c'est énorme. Oui. Tu as dit combien, excuse-moi? Jusqu'à 95 décibels, les ronfleurs les plus forts. Moi, j'ai 100 ici. Oh! Oh! Mathieu, combien? 105? Moi, je connais 110. Juste une cibelle, c'est assez, des fois. Ce n'est pas un problème de santé, sauf si, évidemment, ça résulte de l'apnée du sommeil. Mmh. On en parlera. 45% des gens, ou à peu près, c'est dur à dire parce que quand on ronfle, souvent, on s'en aperçoit pas. Mmh. Mais 45% seraient des ronfleurs occasionnels. 25% seraient réguliers. Chez les enfants, il y aurait 10% des enfants qui ronfleraient. Ah oui? Ah. Je ronflais, moi. Et un petit peu plus les hommes que les femmes. Oh. Et sinon, 6%, là, ça peut être majeur. Et là, de ce groupe-là, 3% qui font de l'apnée du sommeil, là, qui est évidemment un problème. Mm-hmm. Mm-hmm. Antoine, est-ce que tu as des données sur la corrélation corpulence et ronflement? Oui, alors ce qui peut arriver, évidemment, donc, c'est le passage de l'air qui est plus difficile. Donc, un surplus de poids va rétrécir donc, les voies respiratoires pendant la grossesse. Certaines femmes vont ronfler, entre autres à cause de la prise de poids. Okay. Ça peut être des amygdales trop volumineuses, qui prennent trop d'espace. Hein, oui, c'est congestion nasale, soit un rhume, des allergies. L'alcool, hein, qui est un relaxant, qui va relaxer ta gorge. Là, ça va ronfler. Mm-hmm. Évidemment, les polypes, hein, ces excroissances sur les muqueuses qu'on peut avoir, qui coincent le passage de l'air. Le relâchement des tissus avec l'âge. Quand on vieillit, hein, on se couche. Le tabac, ça aide pas. Dormir sur le dos. Oui, c'est ça. Sur le côté, on ronfle pas. On ronfle moins. C'est ça. On ronfle moins. Donc, il va se mettre des balles de tennis dans le dos. Oh, mais on parlera des solutions plus tard. Tous les joueurs le font. Mais les joueurs de tennis. Voilà. Voilà pour le problème d'un point de vue scientifique. Bon. C'était ça, ma solution préférée. Les balles de tennis dans le dos? Non, mais c'est... En fait, de coudre des petites pochettes sur tous les pyjamas pour mettre... Tu sais, parce que tu pourrais acheter 1000 balles, hein? Change ta balle, chaque pyjama. Comment on détecte qu'on fait de l'apnée du sommeil et non juste ronfler? Tu te réveilles comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ben t'arrêtes de respirer. Ben écoute, tu vas dans une clinique. Je pense qu'il faut vérifier. C'est les gens qui vont observer ça. Mais j'ai pas poussé la patente parce que c'est pas notre problème. Parfait. Une amie très proche de moi consulte présentement à la clinique du sommeil. Ouais. Et elle a été diagnostiquée avec une apnée du sommeil grave. Ce qui fait qu'elle avait à peu près une quinzaine d'arrêts respiratoires par nuit. Là, ce qui causait beaucoup un sommeil très peu réparateur. Mais en plus de ronfler, mais c'est ça. Donc, de difficultés de concentration dans le jour. Ouais. T'es toujours fatigué, tout ça. Mais donc, c'est la clinique du sommeil. Ils te mettent sous observation une ou deux nuits. Ouais. Une ou deux nuits. Une ou deux nuits. Il te branche sur une machine. Il te branche sur une machine. Il faut que tu t'habitues à ça, mais puis il calcule, évidemment. Ben, il y a quelqu'un de respirer la nuit. Près de moi qui a une machine. Ah ouais. Qu'il faut que tu branches. Ouais. Ça peut aider aussi pour les ronflements. Ouais. Tu parles du CPAP, peut-être? Exactement ça. Ouais, ouais. CPAP. Dans les solutions, donc, les balles de tennis, ils se vendent des T-shirts avec des, avec la petite poche des pochettes. Dans imagine que tu peux taper une balle de tennis. Ben, c'est ce que tu portes présentement, Antoine. Hein? Oui, ce t-shirt. Exactement. Mais moi, j'ai mon t-shirt. Il y a juste des gros mamelons. Des mamelons dans le dos. Des mamelons dans le dos. Des mamelons de dos. Ouais, ça se relâche ma peau au niveau des avant-plans. Oui. Non, on dirait vraiment une paire de seins. Il y a un bracelet. Des homopines. Un bracelet qui détecte le son. Okay. Ah. Puis quand tu ronfles, il vibre. Pour réveiller le dormeur. Ben, il l'a en application. Oui, iPhone, en plus. Il l'a en application, mais tu vois, je savais pas. Ben, pour pas réveiller ton gentil partenaire. Mm-hmm. Ah oui? Ben oui, c'est quelque chose qui ferait du bruit. Donc, juste pour te réveiller, évidemment, dans le cas qui nous occupe, si c'est quelqu'un avec qui vous dormez qui ronfle, le réveiller un petit peu, le brasser un petit peu, le mettre sur le côté, c'est un petit peu de travail. Slapper. Est-ce que c'est un mythe, les conjoints qui perdent l'ouïe à force de dormir à côté d'un ronfleur? J'ai entendu parler de ça. Une baisse d'ouïe, ah ouais? Ouais. C'est ça. Là, tu sais, après des années de dormir à côté d'un ronfleur, mais je sais pas, il y a peut-être le cerveau qui fait comme, hey, moi, je coupe ça parce que ça m'énerve. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et... ce bruit-là pas important. Moi, ouais, ça se peut bien. Mes deux parents ronflent, mais je les soupçonne de ronfler pour cacher des rapports sexuels. Ah oui? Je pense que... Il ronflait, mettons, dimanche matin, ouais. entre 10h et 11h. Ouais, c'est ça. Tu sais que c'est y'aurait... ridicule, hein? Je m'en vais ronfler, là. Ouais. Viens t'en gérer. des gens qui ont de petits coups, semble-t-il, peuvent être plus propices à ronfler. OK. Et il peut y avoir des oreillers, des formes d'oreillers qui allongent le cou. Mm-hmm. Qui peuvent aider certaines personnes-là. Faut essayer. Ou les colliers de tribus africaines, là. Oui, s'allonger le cou comme ça. Écoute, c'est un... Oui, bonne idée. Ouais. Les fameuses bandelettes nasales. Oui, oui. Oh, est-ce que c'est efficace? Right. Écoute, c'est recommandé, en fait, accepté par la Food and Drug of USA. OK. Qui l'accepte. Santé Canada aussi. Alors, ouais, donc, les gens savent de quoi on parle. Donc, ces bandelettes qu'on colle sur le nez, qui élargissent les voies nasales pour permettre à l'air de passer plus facilement. On va voir les athlètes avec ça, entre autres, pour leur donner un plus grand apport d'oxygène. En natation. Ça fait oui. contraire, ouais. Plein d'eau dans le cerveau à chaque fois. Oui, mais à chaque fois, ça dépend. Ça va aider certaines personnes, pas d'autres. C'était la solution de WoodMe sur Facebook. Ah oui? Oui. WoodMe! Il existe des genres de bandes ou plaster. Mm-hmm. Ouais. Un humidificateur. Ouais. Ah oui? Ça peut être ça. Ça peut être un environnement sec. Une prothèse dentaire. Les gens qui ont la mâchoire reculée vont avoir tendance à ronfler. Donc, il y a des prothèses dentaires qui vont avancer de quelques millimètres ta mâchoire inférieure qui vont maintenir la langue en place. Ça peut aider. Ah, je pense que, évidemment, si c'est très prononcé, la meilleure chose à faire, c'est de consulter un médecin. ORL, absolument. Ou d'écouter les docteurs. Hein? Peut-être qu'il y a un ça apparaît, au bout de temps. Oui, et là, ils vont peut-être donc te recommander le CPAP, le Continuous Positive Airway Pressure. Ah. Donc, c'est un masque qui est sur mesure, que tu portes la nuit et qui va mettre un petit peu plus de pression pour l'air que la pression normale qu'on a. Donc, il va inciter pour que l'air passe. Ça doit être le fun de dormir avec un facilement. Masque. Facilement. Oui. Même qu'on s'habitue. Non, mais moi, j'irais pour faire son propre masque. OK. J'ai dit masque. Masque. Mais, un masque de muscle. Mais tu sais, vraiment, là, c'est dans le classique, pas de problème, là, crise et opportunité. Oui. Mm-hmm. Ajouter des petites flûtes puis des zouiz, tu sais, des... Oui. Des là... bruits festifs. Oui, c'est ça. Fait que là, quand il ronfle, c'est couvert de... Tu te réveilles le matin, il y a 5-6 loups autour de la maison. Hein? Oui, ouais. C'est drôle. Ou un long, long, long tube. Pour que le bruit aille ailleurs. Ah oui. Ouais. Mais il y a peut-être la misère à respirer, par exemple. Un didgeridoo. Oui. Ça sent vraiment plus fort, super loin. Mais en Australie. Il y a moyen de se faire coudre avec des fils le tissu du palais. Ben voyons donc. Le voile du palais, ce qui vibre quand on ronfle. Mm. Donc, avec des fils, il l'attache. Oui, ma mère, elle fait. Vibre moins. Ah oui, elle coule les palais. Hein. Mm. Oui, ça fonctionne de temps en temps. Mm-hmm. Sinon, une bonne vieille chirurgie. On sort le scalpel. On peut rapetisser le voile du palais. On peut on peut te râper en dedans pour que ça fasse plus d'espace. Est-ce que c'est privé ou public, ça? C'est-tu assurable? Je pense que si tu prouves que ça te cause des problèmes de santé, ça va être couvert ou en partie. Okay. Mais tu auras 19 semaines à attendre avant l'opération. Mais évidemment. L'alluette, juste finir. Oui, enlever l'alluette, enlever les amygdales. Ben, enlève tout ça, tu sais, t'en as pas besoin. Oui, pour faire la place. Voilà. On enlève tout ça. Voilà, c'est tellement 2005. Ouais. Alluette, je te plumerai. Mais pour aider ton copain, il y a Sleep Sound Recorder comme application qui est 99 cents. Oui. Il y a la version gratuite, mais avec la version à 99 cents... c'est un investissement. Ouais. Sharing of sounds on Facebook and Twitter. Ça veut dire que ça enregistre et ça peut l'envoyer directement sur les médias sociaux. Quelle dégueulasserie. Pour de vrai, c'est n'importe quoi. Mais mais sinon, il y a plusieurs applications qui font en sorte... qui enregistrent pour savoir quand est-ce que c'est arrivé, combien de fois c'est arrivé. Ah oui, hein? Puis qui te permet de te lever aussi en bon cycle de sommeil. Là. Ouais. Pas en plein centre d'un cycle, mais tout de suite après ou avant. Il y en a plus cher que d'autres, mais il y en a un qui s'appelle Ironflement. Oh! Et ça, ce serait pour combattre le feu par le feu. Oui. C'est-à-dire, tu mets des ronflements pendant que lui, il dort. Oh! C'est, tu m'énerves. Regarde ce que, tu me fais vivre. Ben oui. Il n'y a plus personne dort. Bon. Ouais, voilà. Solution Louise-André Saunier, qui serait la solution sexologue, serait la chambre à part. Ben, c'est ça que j'allais dire. Découvrir les avantages de se courailler de chambre en chambre. Exactement. Ça peut faire monter le désir. Oui, chambre à part, très bien. Ça dépend de l'appartement de Michael et de son copain. Deux apparts. Deux apparts. Il y a des couples qui font ça maintenant, là, des deux maisons. Ils vivent chacun de leur bord. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Écouter de la musique. Ouais, en dormant. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais? Ça passe bien. Oh oui, en même temps, tu l'oublies. Mais moi, je suis pas capable d'écouter de la musique. Non, avec des écouteurs, c'est un peu comme des bouchons. C'est peut-être plus la pression de l'oreille qui te gossait que le fait d'écouter quelque chose. Mais, oh non, mais écouter quelque chose, j'aime ça. Mais, par exemple, salut. J'ai eu l'occasion de partager les chambres en voyage avec Antoine. Et, qu'on appelle la caisse de résonance, hein, Antoine? Je suis pas suspect. Je sais pas. Mais le problème, c'était pas que tu ronfles, ben oui, mais que tu t'endors en 13 secondes. Oui. C'était vraiment... Bon, ben, bonne nuit, Fred. Comme au théâtre. Sans vouloir me défendre, c'est des circonstances particulières. Ah oui, ça quand je dors dans la même chambre que Frédéric Barbouchi, il y a probablement de l'alcool avant ça. Ça se peut. Des cigarettes, des femmes, de l'argent. Non, mais tu sais, je sais que... Merci d'avoir précisé. Non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais tu comprends, tu sais, c'était des affaires pas possibles. Juste finir ma parenthèse scientifique. Dans les opérations, il y a la radiofréquence. On glisse une aiguille... Arc! Dans ton palais, dans le voile du palais, qu'on chauffe à l'aide de micro-ondes. D'un micro-ondes, là. Non, l'idée, c'est que ça brûle à l'intérieur des tissus. Ça rapetisse les tissus, donc ça fait plus d'espace. Et ça les durcit, donc il y a moins de vibrations. Puis, semble-t-il, c'est très douloureux. Puis ça marche pas tout le temps. En fait, ils disent ça, c'est douloureux. Mais ça marche pas. Enlever les voiles du palais, c'est encore plus douloureux. Et sinon, l'homéopathie, mais bon, là, je sais. Moi, j'y crois. Bonbons de sorcière. On s'entend tous, mais il y a peut-être des gens qui veulent essayer. Il y a des produits homéopathiques. Ben oui, mais si ça marche, c'est placebo ou autre. C'est ça. Donc, ils raffermissent les tissus, puis qui relaxent, puis qui ouvrent les voies respiratoires. Mmh. Voilà. Ouais. Bon. T'as parlé, Antoine, de maigrir des amygdales. Et moi, ça m'a parlé. Parce que les dictats de la mode ont déjà imposé aux femmes des sternums bien moulés. Moi, je pense qu'on peut aller l'étape plus loin et imposer que les filles aient des amygdales maigres, maigres, maigres. Ouais. Comment on fait pour... Corset du cou. Oui, c'est bon. Ouais, ça. Corset. Tu resserres. Un corset. Non, ben. Dans quoi il dormait, Michael Jackson? C'est pas le l'azote liquide? Non, oui, c'est ça. Non, il n'y avait pas un lit d'oxygène, une tente d'oxygène? Ah oui. Je sais pas, je suis là-dessus. Ou c'est complètement. Parmi son harem juvénile. Mais. Ça a été prouvé. Mais juste des chambres hyperbares, là, c'est vraiment. Non, mais peut-être justement, là, je me disais, coucher sous une cloche. C'est une tente d'oxygène, c'est exactement ça. Pour garder sa beauté. Ça ressemble à quoi, entre guillemets, évidemment. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est... Et pour vivre plus longtemps. Tout a bien marché. Meilleure chance la prochaine. Mais le pire, c'est que l'oxygène, ça oxyde la peau, là. Ben oui, c'est ça. Fait que. C'est pour ça qu'il était blanc. Peut-être. Ce que ça a fait au toit du château Frontenac, ça l'a fait à la peau de Michael. Ouais, mais c'est beau, là. Ben oui. Puis il a même dénié cette affaire-là quand il est allé chez Oprah. Ah oui? Chez elle, là, il mangeait la faute. Non, I have a bed like everybody. Filled with dreams. Mais donc, d'augmenter la pression à l'intérieur de la chambre. Yes. Oh! Ça prendrait peut-être un système un peu plus complexe. Au lieu d'avoir donc un peu l'équivalent du masque à pression, mais il y a juste un petit peu plus de pression dans la chambre. Ça peut être la pression aussi psychologique, tu sais. T'as 30 secondes pour dormir ou je te tue. Ah, peut-être. Mais il reste que des horaires. De dodo. Ah oui. Tu vas te coucher avant. Des chiffres, là. Ouais. Tu t'endors avant. Ouais, c'est quand tu t'endors. Puis là, lui, Il va vérifier si t'es vraiment dans un sommeil profond, puis il fait « Là, je peux aller me coucher. » Enfin, minuit et demi. Puis si jamais tu réveilles, il fait « Non, non, lève-toi, faut que je me rendorme. Mm-hmm. » Tu sais, faut... Ouais. Mais tu l'enregistres. Oui. Tu enregistres la personne qui ronfle. Il y a une application pour ça. Puis tu pars avec ça. Parfait. Oui. Puis à chaque fois que tu t'endors, que la personne soit là ou non, t'écoutes ça. T'écoutes le ronflement. À un moment donné, tu vas en avoir besoin pour t'endormir. Ben oui. Tu vas te coucher, tu vas dire « Il me manque quelque chose, il me manque quelque chose. » Viens donc ronfler. C'est bon. Hein? Tu sais, le crise. Mais on avait parlé des... Oui. Le problème de Stéphanie, de son voisin d'en haut qui faisait trop de musique, trop fort pour la musique. Ben, on avait parlé du son inverse. Oui, c'est vrai. Un ronflement, ça doit être relativement, surtout d'une personne, ça doit être facile à inverser. À retrouver, puis avoir le même rythme, puis que ça soit silencieux. Écoute, attends, je fais des... Oui, c'est possible. Ouais. Attends, je pense... Voyons donc. Oh, attends. C'est un son très aigu, moi, selon moi. C'est mon idée, hein, pour une nouvelle application qui enregistre le son, puis qui inverse... Oui, c'est ton idée, Fred. On te laisse tout ça. Snoring inverted. Mais juste une... Ironflement inversé. Ironflement. Une plaque de verre, plexiglas qui sépare le lit. Quelque chose qui insonorise. Oui, complètement. Ou ça peut être quelque chose peut-être plus un peu plus souple. Oui, comme un baldaquin. Qui a l'air d'un lit baldaquin, mais finalement, les draps sont des draps de studio. En boîte d'œufs. Qui coupe le son entre les deux. Pas de nuit, mais quand même là, tu sais. Des draps d'amiante ou... La chaleur passe. Ça se glisse si jamais il y a attouchement, tu sais, mais sans ça, ça se ferme. Il y a aussi le principe du mensonge, M4. Je sais que c'est plate, mais je sais pas t'as quel âge, mais peut-être que ton chum aussi à l'appartement, comme on disait tantôt, inventer que t'as toujours des grosses journées le lendemain. Travailler sûrement pas ensemble. Hey, j'aimerais mieux dormir tout seul, ça te dérange pas. Tu peux rester tard, mais tu sais, je dois t'avouer que. Se trouver une job de nuit, là. Ben oui, aussi. Le sofa, il est le fun, des fois. Ouais. On dort mal, non? Non? Ça dépend du sofa. Ouais. Ça dépend du sofa. Il y a eu des sofas. Il y a des sofas qui marchent bien. Comme l'émission Sofa avec Vincent Bolduc puis Jean-François Nadeau. Ça, c'est un des sofas qui a moins marché. Mais c'était bon pour le sommeil. J'ai jamais écouté une émission. C'est ça, c'est pas rapport. OK. Non, mais c'est ça. Ben, j'ai quand même tapé ronflement là, dans l'iTunes Store, puis il y en avait quelques-unes. Puis c'est ça, il y en a plusieurs qui offrent la possibilité de monitorer. Ça se dit ton ronflement, c'est-à-dire il y a des petits graphiques là, comme tu as ronflé plus fort à partir de là, puis le nombre de décibels, la moyenne de décibels, puis le ton pic. Donc allez vérifier ça, peut-être ça vaut la peine de lui faire remarquer à quel point il ronfle. Hey, je vais essayer ça, je pense. On n'a même pas parlé des bouchons aussi. Il a dit qu'il a déjà essayé les bouchons. Ça marche pas. Les bouchons, j'ai essayé, ça marche pas. Ah ouais, pourtant. Pour d'autres, ça peut peut-être fonctionner. Mais c'est vrai que c'est gossant, des bouchons, vous trouvez pas? Il faut s'habituer à la pression. J'ai l'impression que la première semaine que t'en mets là, en voyage, quoi, ça gosse. Là, C'est vrai que c'est tannant. Ouais, c'est ça. Avec ma coloc, le troc, là, comme je l'appelais, on avait juste une paroi de mur de différence. Là, fait que j'entendais tout. Là, fait que j'ai appris à dormir avec des bouchons. Puis tu le fais-tu encore? Non, je le fais plus. Là, j'habite seul. Mais elle, en plus, ça, j'arrête après. Là, mais c'était des cris, ces ronflements. C'est de l'apnée. Là. Comme tes parents. Ouais, un peu. Non, mais c'est vraiment, tu sais, là, il n'y a pas de bruit. Puis là, mané. Ah! Tu sais, c'est comme ça, là. C'est un cri ronflé. C'est horrible. Je vais là-dessus. Ah, c'est gossant. On la salue. Oui. Mais. C'est fou. C'est fou. Son nom, c'est. Oui. Becky Milly. Ah, c'est pas drôle. Non. Pas édité! J'ai abandonné l'anagramme. Oui. Non, mais, tu sais, on substituer le son. Un autotune. Oui! Ça rend le sommeil dansant. Une tune qui aime, hein. T'écris des tunes pendant ton sommeil. Ouais. Ou être se fatiguer tellement que peu importe, tu sais, moi, quand j'étais petit, je m'endormais dans des gros parties italiens, puis ils mettent la musique forte, hein. Puis. Mais. Non, mais ça nous arrive de nous endormir à un endroit très bruyant. Oui, dans le métro, on s'en va. Ouais. Mais comment peut-on se fatiguer au lit, Frédéric? Demande à tes parents. Ah, OK. C'est Louis-André. C'est Louis-André. Moi, je m'ennuie de cette émission-là. Ah, il y avait rien à faire. Puis d'Alain Turbide. Ah, le plus drôle, c'est, je sais pas si vous l'écoutez, quand, les, oui. quand c'est des journées scolaires de congé, oui. les jeunes appelaient pour faire des coups tout le temps. Ah! Mon oui. gueule, c'était tellement drôle. On parle de... Sexe et confidence. Sexe et confidence. Alain Turbide. Avez-vous des solutions préférées, messieurs, dans ça? Le tuer? Ah, mais attends. Il nous a écrit... Ouais, on en a une couple là, sur Twitter. Le tweet tueur. Je sais que ça va être ça, mes préférés. Mais oui, Samuel, c'est le premier qui nous a écrit. Et il a écrit « Lui boucher le nez et il meurt ». Ah! Ça ressemble à Mathieu, ça. Je pense que c'est la préférée de Mathieu. La deuxième. Sébastien Bouchard, lui faire une trachéotomie. Ah! Ça ressemble à Antoine, ça. Ouais, je ronfle. Attends, il nous écrit aussi. Je ronfle beaucoup et j'attends toujours que ma blonde dorme profondément avant de me coucher, sinon elle me tourne sur le côté. Voilà. C'est vrai que la petite. Tu ronfles. Ouais. Puis, habituellement, ça réveille la personne, puis t'as un bon. Quelques minutes, ouais. peut-être ouais, un petit deux minutes. Ou t'as le temps de t'endormir profondément, puis la personne continue, puis tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Ça vaut bien la peine. La balle dans le dos, ça c'est Olivier. Mm-hmm. Encore? Est-ce que leur solution a fonctionné? Ah, excusez, il y a des conversations par rapport à nous autres. Sébastien Bouchard qui demande à Bruno Georget, du dernier podcast, oui. s'il y a des solutions qui ont fonctionné. Oh! Stéphanie! Qui avait son problème de voisin. Ouais, on en a des podophiles qui ont des problèmes. Ouais. Lui acheter un oreiller anti-ronflement. Oui. Snoreless Pillow pour son anniversaire. C'est bon, ça. Je connaissais pas ça non plus. Rob 819 qui écrit « Changer de chambre ». Ouais. C'est clair. Ça, c'est bon. Oui. Ben moi, ça serait ça, je pense, ma solution préférée. Mis à part l'amaigrissement des amygdales, ça serait découvrir les délices sensuels de la chambre à part. Oh. Puis, tu l'as-tu, le Snoreless Pillow? Moi, j'y vais avec ça, la Snoreless Pillow. Ah oui? Ça a l'air vraiment pas pire. Ça coûte 90 $ plus 20 $ de shipping and handling. Mais semble-t-il qu'il y a une plus grande saturation de l'oxygène. Ah ben oui, mais gars, ça a l'air de marcher. Moi, j'y vais pour... Antoine, t'es dans la pub. Yes! Mais c'est bon, je pousse ça. Les balles de tennis, c'est encore plus loin. Ouais. Les petites billes, là. Ben, les grosses petites billes. Les jumbo. Ouais. Oh! Tu tapes ça sur un omoplate, là. C'est deux omoplates. Oh! Un bord ou de l'autre. Bing, bing. Au, au. Non! Non! Dors pas. Je peux pas dormir sur le dos. Des aiguilles chauffées. Ah! Non, mais on y va. Il faut augmenter l'apport d'oxygène, d'air. Faut ouvrir les passages. Faut raffermir ses tissus. Moi, j'y vais pour l'opération, c'est cool. Ça se raconte bien. Parfait. Ouais. Dormir dans un filet. Hein? Tu peux dormir sur le ventre et respirer quand même. Ah, oui, ça va. Ouais, mais t'es courbé un oui, peu. Oui, t'es un peu courbé. Ouais. Non, ben tu l'arranges ton filet, là. Ah, bien oui, tendu, bien tendu. Dormir sur une table de massage, peut-être. Ah, t'sais, ouais. Ben, ils disent idéalement sur le ventre, oui. C'est encore mieux sur le ventre. Là, tu règles peut-être une partie de tes problèmes. On dort mal sur le ventre. Je le sais, mais il faut y arriver si ton couple est en jeu. Ben, sur le côté, c'est un bon compromis, sur le côté. Sur le côté, puis de l'autre bord, puis tu t'endors avant, puis tu coudes de temps en temps, puis on s'en sort. Puis t'essayes l'affaire qui colle sur le nez, là. Complètement. Un petit peu d'homéopathie. Et voilà, laisse rouler un petit peu la télé, en fond. Tu t'endors. Rajoute des oreillers. Plus il y a d'oreillers, plus il faut qu'ils deal avec. La télé avec un timer, ça couvre un peu, puis à un moment donné, boum. Ouais. Elle s'éteint, puis... Ouais. Comme ceux qui ont aussi de la misère à mettre des écouteurs. Il y a toujours des émissions qui nous endorment plus. On avait déjà parlé, là. C'est-à-dire, tu sais, faut que tu te concentres, là. Ouais. Là, à un moment donné, quand t'es fatigué, tu peux plus te concentrer, puis là, tu lâches prise. Ouais. À la limite, nous écouter, coup, ça peut nous Philippe. Endormir. Donne un coup. Frédéric? Frédéric, tu ronfles? Je vais pas y aller à l'école. Oh! Mais il a donné une claque! Ma face! Ben voyons donc! J'ai donné devant dans le cou. Ah, t'es mis! La pomme dada, dada. Ben oui, c'est ça. Ben bon. Toi? Ben messieurs, je pense que ça peut répondre quand même au problème de Michael. Arrêtez les coups. Oh, arrête! Ouais, oh, hey! Voyons! Ben là! Arrête! Toi aussi! messieurs, nous tentons, je vous le rappelle, d'être le podcast numéro 1 dans la francophonie. Je ne crois pas que ce petit jeu le clac. Ben, ça gagner. Nous apprendra à faire un podcast à fesses, nu fesses. Fesse à fesse. On s'était dit qu'on le disait pas. On n'était pas supposé. Mais oui, écrivez-nous, écrivez-nous sur iTunes. Ah non, fesse à face. J'avais pas vu Mathieu. Donnez-nous un 5 étoiles, hein? 5 pour rien, on vous rappelle. 5 pour rien, le concours. Le concours. Hey, mais là, j'aimerais ajouter quelque chose au concours. Oui, s'il te plaît. Parce qu'on cherche des prix à donner, hein? Oui. Puis, bon, on peut en trouver des prix, comme disent les jeunes geeks, awesome. Mais on aimerait, peut-être que vous avez un employeur qui serait prêt à... Vous êtes quelqu'un, non, qui fait... Une commandite? Moi, j'ai une business et je donnerais ça comme prix. Hey, on est deux Un 12 pouces boulette. Ben, c'est n'importe quoi. Puis on dit, gracieuseté de... Quizway. Sébastien Subway. Subnose. Subnose. Et on tourne le dos à personne. Queen sauce. Fesse à fesse. Fesse à fesse. Non, mais les missions qui sont en fesse, là, oui, moi, je suis commandé. Mais écrivez-nous. Si jamais ça vous allume. Écrivez-nous, pas de problème, @gmail.com. Mm-hmm. Hein? Et croyez-le ou non, monsieur? On a eu un problème sur Google Plus. Wow! Incroyable. Étonnant. On va l'aborder un jour. C'est fou. Merci à Sonar, encore une fois. Oui, merci beaucoup. Merci, Vincent. Merci. À toute l'équipe. T'es solide. Ouais. Merci. Alors, d'ici à la prochaine émission... Moi? Vas-y. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Ow! Dans le cou! Ah! Hey, celle-là, pour vrai, elle fait mal, là.